Dans les oreilles de, une heure de confidence électrisante avec la nuit SFR Live Concert, le plus grand rendez-vous électro de la rentrée qui aura lieu vendredi 26 octobre à Paris, à la Cité de la Mode et du Design. Souvenirs éclectiques pour soirées électriques, les invités d'Isadora Darcial viennent sur Nova vous révéler la bande son de leur vie. Dans les oreilles de, c'est ce soir à partir de 22h sur Nova avec la nuit SFR Live Concert. Infos et billetterie sur www.lanuisfr.fr.